Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. À part le boulot, qu'est-ce qu'on nous offre pour nous distraire? Le twist? Et le service militaire? Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire du service militaire français. Pendant 2 siècles, de jeunes hommes se sont succédés sous le drapeau tricolore pour défendre la patrie. C'est en 1798 que la loi Jourdan institue la conscription universelle et obligatoire de tous les Français âgés de 20 à 25 ans. Près de 200 ans plus tard, en 1996, Jacques Chirac annonce la suspension du service militaire. La conscription disparaît pour laisser place à une armée de métiers. Institué sous la Révolution, ce rite de passage obligatoire aura vu passer des millions de jeunes Français. Pendant des décennies, le service militaire aura été l'objet de débats, réformes et polémiques. Des guerres de la Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie, des batailles napoléoniennes aux tranchées de la Première Guerre mondiale, des millions de soldats ont péri en payant ce qu'on appelle l'impôt du sang. Alors, ciment de la nation ou héritage inutile et coûteux, le service militaire? Temps perdu ou expérience enrichissante? Abrutissement ou éducation? Une chose est certaine, le service militaire a été et est encore aujourd'hui une passion républicaine. Et si le service militaire ou national était d'abord un lien social? Peut-être, peut-être Emmanuel Macron aura-t-il cette dimension à l'esprit quand il présentera dans quelques semaines la formule de service national qu'il avait évoquée pendant sa campagne. Notre invité aujourd'hui, Bénédicte Chéron, historienne, spécialiste des questions de défense. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. Et donc, dans 6 ans, il n'y en aura plus. Après 2 siècles d'existence, Jacques Chirac l'annonce en 1996, encore 6 ans, et ce sera la quille concernant le service militaire. Oui, la quille, cette expression tant aimée des soldats, qui signifie la libération, le retour à la maison, ou bien 40 au jus, pour signifier qu'il reste 40 jours à tirer. Car ce qu'un appelé apprend d'abord à la caserne, ce sont des mots, un vocabulaire spécifique à l'armée. Ils ne seront pas des soldats, ils deviennent des bidasses. Cette expression fait son apparition en 1913 dans la chanson du comique troupier Bach intitulée « Avec l'ami Bidas ». Souvent reprise, l'interprétation la plus célèbre reste celle de Fernandel en 1929. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments, dans les rues on se promène, ça nous fait passer le temps. À ça, des meilleurs copains, les bidas ont du temps pour s'en faire. 3 ans, 10 mois, 7 ans, 1 an. En 200 ans, les durées d'incorporation beaucoup variées. Les méthodes d'enrôlement aussi. Il fut une époque où le tirage au sort était de vigueur et l'on pouvait se payer un remplaçant. Mais c'est toujours un groupe spécifique qui a été appelé sous les drapeaux des jeunes hommes. Apte au service militaire. Ainsi, toute une classe d'âge se retrouve mélangée pour un temps au hasard des incorporations. Armée de terre, de l'air, la marine, Breton, Corse, Auvergnat, Martinique et Alsacien. Pour tous ces jeunes, qui pour certains prennent le train pour la première fois, c'est l'occasion de découvrir d'autres accents, expressions et coutumes. Fils d'ouvriers, de paysans, de médecins, de banquiers, d'artisans, tous se côtoient pour faire leur classe dans les mêmes conditions de vie. Peut-être est-ce là l'exemple le plus abouti de ce qu'on appelle la mixité sociale, une dimension fondamentale sur laquelle nous reviendrons. « Après le passage de la visite médicale, on rase les cheveux de ces jeunes gens, ce qui, dans les années 70, est un drame. Ah oui, passer du look Jim Morrison à la boule à zéro façon para, c'est une vraie douleur à cette époque. Et puis vient le moment où il faut enfiler l'uniforme, où il faut remiser tout ce qui fait notre personnalité vestimentaire, un déchirement, là aussi. Le conscrit découvre enfin sa chambre de 10, 20 ou 30 lits. Puis vient très vite l'apprentissage de la discipline, y compris sous ses atours les plus ridicules et les moins acceptables, certains gradés prenant plaisir à exercer leur petit pouvoir sur des jeunes forcément impressionnés. Désordre, en deux mots surtout, désordre. Crier, vociférer, pour apprendre. Oui, apprendre à faire son lit au carré, à marcher au pas, à monter et démonter son fusil, à se mettre en garde à vous, à chanter pour aller au réfectoire. Et surtout, retenir une chose, obéir sans poser de questions. Enfin, il y a l'entraînement, les longues marches de 30 km où la plaie crapahute toute la nuit avec son sac à dos lourd comme un cheval mort. Mais pour surmonter l'épreuve, il y a la camaraderie. Ah, les fameux copains de régiment. Des amitiés se forment et les souvenirs se créent. À leur retour, les appelés partagent leur expérience avec leur famille, comme le chante Joe Dassin en 1974. Quand tu auras fini ton service militaire, tu échangeras des souvenirs avec ton père. Vous parlerez des mêmes filles, des mêmes cuites. Et dans 20 ans, ton fils te racontera la suite. Sera content, vous direz c'était le bon temps, et pourtant, qu'est-ce que c'était chiant mon adjudant. Oh, qu'est-ce que c'était chiant. Oui, car au bout de quelques semaines, les appelés en ont ras-le-béré de marcher au pas et d'obéir à des ordres parfois absurdes. Marre de ces processions en randonnion où l'on est toujours le suivant de quelqu'un. Non, les conscrits préfèrent compter les jours qui les séparent de la quille. Il y a même une fête pour marquer les 100 derniers jours, le persan, en deux mots là aussi. Et pour tromper l'ennui, il y a l'alcool, les cigarettes distribuées généreusement par l'armée et les virées dans les bordels militaires où certains appelés partent se déniaiser. Au service, certains se sont ennuyés, d'autres ont appris la discipline, certains ont appris à lire, d'autres ont trouvé une vocation. Et d'autres sont morts, oui, des millions de jeunes Français ont été tués pendant leur passage dans l'armée. Car l'idée première du service militaire n'était pas d'éduquer les Français, non, mais de défendre le pays. Et le service militaire en temps de guerre, c'est évidemment une autre histoire. Elle commence pendant la Révolution française. Garde à vous ! Repos ! Mi-tour à droite ! Droite ! Le 19 fructidor de l'an 6 de la République, soit le 5 septembre 1798, la loi Jourdan d'Elbrel est adoptée. C'est une loi historique qui dit noir sur blanc « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie », comme ça c'est clair. Dans les faits, cela se traduit par la conscription universelle obligatoire de tous les Français âgés de 20 à 25 ans. Oh, la méthode n'est pas nouvelle en France, car des milices provinciales existaient déjà sous l'Ancien Régime. Un tirage au sort impopulaire et cruel, pioché dans les masses rurales du royaume. Mais la Révolution, elle, institue un caractère universel qui servira de base, de socle et de philosophie pour le service militaire moderne. Et de cette loi, un homme va profiter, Napoléon. La conscription va lui permettre de mobiliser sous l'Empire des centaines de milliers d'hommes pour former sa fameuse grande armée. Le service militaire sera supprimé dans les premières années de la Restauration avant d'être rétabli en 1818. La formule, un tirage au sort, la fausse égalité par excellence. La durée d'incorporation, de 6 à 8 ans. Et pour tous les malchanceux au tirage, il y a la possibilité de payer un remplaçant. Cela permet aux classes aisées d'échapper à l'armée. Sous le Second Empire, le système reste donc très inégalitaire. Beaucoup d'hommes échappent à la conscription, et lorsque la guerre franco-prussienne débute en juillet 1870, c'est une armée française désorganisée qui fait face à la prussienne, composée, elle, de très nombreux conscrits, disciplinés, entraînés. C'est donc avec l'avènement de la Troisième République que le service militaire moderne fait son apparition. En 1872, encore traumatisé par les désastres de la guerre de 1870, les conservateurs votent l'obligation du service militaire, mais la possibilité de remplacement est supprimée. Oui, ça n'empêche pas le recours au sordide tirage au sort, on tire un ou cinq ans de service. Il faudra attendre 1889 pour que ce service militaire devienne le fer de lance de la républicanisation du pays et la seconde école du citoyen. En 1905, le tirage au sort et les exemptions sont enfin supprimés. tous les jeunes Français, effectuent désormais un service de 2 ans, puis 3 ans à partir de 1913. Les conscrits inventent tout un folklore. Et c'est dans ce contexte que la chanson « Avec la Bibidas » a été écrite. Monsieur Rousseau, fils d'industriel, incorporé en 1909, revient sur cette période. Il évoque les différences de classe sociale. Est-ce que les différences sociales, qui étaient très, très importantes non. à l'époque, subsistaient à l'intérieur non. de la... Non, non, ça non. Elles ne subsistaient pas à l'intérieur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'appuie sur ses antécédents, les antécédents de ses parents, n'est-ce pas, pour s'imposer vis-à-vis des autres. Ça, je ne le crois pas. Non, on était vraiment tous semblables, tous égaux d'un côté de l'autre. Malgré cette apparente égalité, certains soldats des classes aisées parviennent encore à être pistonnés pour trouver de meilleurs postes. Avec la mobilisation générale de 1914, la première de l'histoire de France, ce sont tous les jeunes qui vont entrer dans les rangs de l'armée. Dès le début de la Première Guerre mondiale, près de 4 millions de Français sont mobilisés. À la fin de cette guerre, ce sont plus de 8 millions d'hommes qui auront servi sous le drapeau tricolore et connu l'horreur des tranchées. En 1918, la France est victorieuse mais paie un lourd tribut, 1 400 000 morts, 4 millions de blessés dont d'atroces blessures, 600 000 veuves, 700 000 orphelins. Après le conflit, le principe de la conscription est conservé. Pour beaucoup, la première guerre a été gagnée justement grâce au service militaire. En 1939, près de 5 millions d'hommes sont mobilisés. C'est le début de la drôle de guerre. Oui, on connaît la suite. La débâcle, l'occupation, la libération. Pendant ces 4 ans, les jeunes Français vont connaître des destins très différents. Certains seront prisonniers de guerre, d'autres seront déportés. Certains partiront au STO, service du travail obligatoire, version moderne de l'esclavage imposé par les vainqueurs. D'autres prendront le maquis. Certains seront collaborateurs. D'autres, enfin, serviront dans l'armée française de libération. Et l'on retrouvera dans cette armée de nombreux appelés, essentiellement des pieds noirs et musulmans d'Algérie, qui libéreront la France aux côtés des alliés. À la libération, gaullistes et communistes s'opposent, avec 2 visions différentes de la résistance, mais sont d'accord sur un point, l'idéal du soldat citoyen, car c'est ce soldat citoyen qui a libéré la France. Il n'est donc pas question de supprimer le service militaire. 2 ans après la libération, il est donc rétabli. Les conscrits de la classe 46 sont incorporés pour une durée de 12 mois. Le colonel Lecoq explique le programme pour le premier semestre de cette période sous les drapeaux. Pendant ces 6 mois, le jeune soldat apprend donc son métier dans une ambiance réaliste. La parfaite connaissance des armes, l'éducation des réflexes, le tir, la répétition des actes simples qui sont ceux du combattant dans le sein de la section, le développement physique, voilà les objectifs qu'il faut atteindre parallèlement. En même temps, se crée une ambiance vivante, gaie, exigeante, mais passionnante, qui conquiert le jeune soldat et le place dans un climat moral de discipline et d'amour de son métier. Rompu, aéré, dilaté, désembourgeoisé, il acquiert des connaissances techniques solides et les qualités militaires maîtresses. Il est, au sens propre du mot, aguerri. De jeunes appelés aguerris, mais qui ne sont pas envoyés en Indochine, non. La guerre, qui débute en 1946, sera menée par l'armée de métier. Il n'y aura en réalité que 2000 appelés de contingent, mais tous volontaires, ils livreront bataille, eux, en Indochine. Le pouvoir politique se refuse d'envoyer de jeunes Français dans ce conflit qui se termine en juillet 1954. Pourtant, quelques mois plus tard, le début de la guerre d'Algérie va marquer de nouvelles étapes dans l'histoire du service militaire. Pour rétablir l'ordre, l'État ne va pas hésiter à envoyer des centaines de milliers d'appelés de l'autre côté de la Méditerranée. Les hommes des contingents rappelés doivent savoir qu'ils vont en Algérie remplir une mission nationale leur rappel sous les drapeaux, leur présence là-bas témoigne d'abord de la volonté de la France de rester en Algérie. Aucune équivoque n'est désormais possible, ni pour les musulmans, ni pour l'opinion mondiale. La solution du problème algérien ne sera trouvée que dans le cadre de liens indissolubles entre l'Algérie et la métropole. Le 13 avril 1956, le nouveau président du Conseil, Guy Mollet, annonce l'envoi de nouveaux rappelés des contingents en Algérie. À la fin de cette année 56, entre les appelés, les rappelés et les maintenus qui voient leur service prolongé, ils sont près de 400 000 conscrits à servir en Algérie. Cette même année, le Maroc et la Tunisie obtiennent l'indépendance. Avoir 20 ans dans les Aurès, tous les militaires professionnels et tous les conscrits sont donc envoyés en Algérie. Débarqués des bateaux, ils viennent affronter un adversaire qui mène une guerre de libération nationale et qui se réclame du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Douloureux paradoxe pour ces soldats citoyens qui ont en mémoire la résistance pour la libération de la France une dizaine d'années plus tôt. Plus douloureux encore, beaucoup d'entre eux sont confrontés soit comme témoins, soit comme participants à des opérations de torture. Un ancien appelé témoigne. Moi, j'étais dans un centre où c'était des appelés qui faisaient la torture. C'était pas des généraux comme aux arrêts, c'était des appelés, monsieur tout le monde qui allait à pratiquer ces tortures. Des scènes horribles pour une guerre qui ne dit pas son nom. Qualifiée à l'époque d'événement d'Algérie, ce long conflit de 8 années provoque la chute de la 4ème République et le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958. La 5ème République débute, mais la guerre continue. Alors que l'issue du conflit semble proche, des généraux s'emparent du pouvoir à Alger le 21 avril 1961. La République est menacée. Le président de Gaulle s'exprime 2 jours plus tard dans son uniforme de général pour tenir un discours retransmis à la télé et à la radio. Et là, il fustige le carteron de généraux en retraite et ordonne aux appelés de refuser leurs ordres. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soit employé partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. De nombreux appelés des contingents sont sensibles à l'appel du général et désobéissent. Alors, le coup d'État échoue. De Gaulle parlera des 500 000 gaillards munis de transistors qui ont réussi à stopper le putsch. Tous les partis politiques vanteront alors le mérite de l'armée de conscrits. Mais pour l'historien Michel Auvray, il faut nuancer le rôle des appelés. En Algérie, lors du putsch, il n'y a pas face-à-face entre une armée de métiers tout entière insurgée et un contingent complètement résistant, non. En réalité, de nombreux soldats de carrière n'ont pas suivi le carteron de généraux putschistes, mais tous les appelés n'ont pas désobéi non plus. Or, l'opposition au putsch d'Alger devient un mythe républicain. Les soldats citoyens ont défendu la 5ème République en péril, c'est comme ça, et pas autrement, rompez. Quoi qu'il en soit, la guerre d'Algérie reste encore aujourd'hui un traumatisme pour les 1 200 000 appelés ou rappelés qui ont dû y participer. À titre de comparaison, c'est quasiment le même nombre de soldats américains conscrits qui se battront au Vietnam. Avec 4 fois moins d'habitants que les États-Unis, c'est toute une génération de jeunes hommes que la France a envoyés dans ce conflit. 13 000 appelés y perdant la vie. De cette date, il n'y aura plus jamais d'appelés envoyés à la guerre. Ils seront juste là, pour faire semblant de la faire, la guerre. La voix de l'adjudant ne sentira plus l'ail et le mauvais alcool, elle ne sera plus la voix du sang. S'ouvre une nouvelle ère, celle des baby-boomers et des 68ards qui vont commencer à remettre en question le service militaire. Au suivant, tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120. à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, au suivant. Ce ne fut pas Waterloo, non, non. Mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant. Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer. Au suivant, au suivant. Suivant. Tournez-vous, face à nous. Bon pour le service. Suivant. Octobre 1964, la guerre d'Algérie est terminée. Et les jeunes Français continuent à effectuer leur service. Une équipe de télé est venue filmer en Allemagne la journée d'un appelé au sein du 43e régiment blindé d'infanterie de marine d'Offenbourg. C'est son 145e réveil dans la caserne. Il a pris l'habitude de se lever à 6h du matin, il s'adonne aux corvées de nettoyage sans rechigner. Comme chaque jour, il assiste à la levée des couleurs sur fond de musique militaire, puis il effectue le parcours du combattant. Voilà. Ce jeune soldat apprend ensuite comment équiper un char d'assaut avec des missiles avant de passer aux exercices pratiques sur le terrain militaire. Eh bien, ce soldat humble et souriant, qui prend du plaisir à être là, c'est le soldat Smet. Il a 21 ans, c'est l'idole des jeunes, une star connue sous son nom de scène, Johnny Hallyday. À ce moment-là, est-ce que Johnny Hallyday aura perdu du temps, à son avis, ou est-ce qu'au contraire, ça lui permettra de faire une espèce de retraite au service militaire ? Non, je ne pense pas, toi, parce que pour moi, tous les garçons de 20 ans doivent faire leur service militaire. Enfin, en tout cas, c'est une bonne expérience, toi. Moi, je te jure, j'ai appris des choses à l'armée que si je n'y avais pas été, jamais je ne les aurais apprises. Quand Johnny est arrivé à l'armée, est-ce qu'on lui a fait la tête un peu ? Est-ce qu'on l'a regardé comme une bête curieuse, comme quelqu'un d'extraordinaire, un grand personnage, des copains, enfin, du moins les militaires, quel a été la tête ? Ça a duré très peu de temps. Mais ça a duré une semaine, et puis après, on est devenus copains avec tout le monde, et puis. Tu sais, on sympathise beaucoup plus vite à l'armée qu'en général dans la vie. Pour l'armée, l'incorporation du soldat Smet est une aubaine. Johnny est populaire auprès des jeunes. De surcroît, ce garçon qui naît et ne sera jamais un grand contestataire prend du plaisir à effectuer son service. 3 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le service cinématographique des armées réalise donc un petit film intitulé « Sergent Smet » à destination de toute la génération yéyé. Une belle publicité pour l'institution où l'on voit Johnny qui a gagné ses galons de sergent, Johnny qui donne des ordres, Johnny tire au fusil, Johnny got his gun, Johnny effectue une prise d'art martial, Johnny sur un char d'assaut, salut les bidasses. Le plan de fin est un long zoom sur un poster de Sylvie Vartan épinglé au-dessus du lit de Johnny. Il a d'ailleurs obtenu une permission pour se marier avec elle le 12 avril 1965. Mais la jeune chanteuse dira à propos du service militaire « Si cela n'avait tenu qu'à moi, Johnny ne serait pas parti. C'est une perte de temps. Pourquoi couper ainsi les garçons de leurs études, de leur métier, de leur famille ?» Comme Sylvie Vartan, de nombreuses fiancées et femmes mariées subissent elles aussi le service militaire. L'incorporation est vue comme un coup d'arrêt dans une vie active qui débute. Un coup d'arrêt et parfois même un bouleversement, comme pour Jean Fresne, un jeune paysan de 20 ans. Lorsqu'il se présente au bureau d'incorporation au début des années 60, il est le 9e d'une famille de 11 enfants. Fils de paysan, il doit travailler à la ferme dès l'âge de 14 ans. Lorsque l'armée lui fait passer des tests d'aptitude, c'est la surprise chez les militaires. Le jeune homme est surdoué. On sait qu'il a quitté l'école il y a 6 ans après le certificat d'études, mais que les tests psychotechniques que l'armée lui a fait subir pour son incorporation à Lyon ont révélé un niveau d'intelligence exceptionnel, au point que le colonel responsable du centre lui a obtenu un sursis tout à fait inhabituel, grâce auquel il peut suivre les cours de physique, de chimie et de mathématiques que lui donnent bénévolement de jeunes officiers. En 4 mois, il a déjà rattrapé plus de 4 années de mathématiques. Son talent, son génie, disent certains, c'est d'abord cela, résoudre les problèmes plus vite que les autres. Des décennies plus tard, le conscrit Jean Fresne, devenu maître de conférences, travaillera sur la conception de la fusée Ariane 4. Il recevra la médaille d'or britannique de la tribologie, la plus haute distinction mondiale de cette science du frottement et de l'usure. C'est peut-être son côté Rangers. Une réussite, en tout cas pour la République, et une fierté pour l'armée française, une institution qui, au milieu des années 60, éprouve quand même des difficultés à absorber le nombre toujours plus grand de baby-boomers qui se présentent à l'incorporation. Alors qu'il y a près de 400 000 jeunes Français à incorporer chaque année, le gouvernement lance une réforme du service militaire en 1965. Le projet de loi fait débat. Un journaliste de France Inter décrit les deux camps qui s'opposent. Les uns, ses défenseurs, pensent que le service militaire doit changer dans la mesure où il s'agit, dans une guerre moderne, de fournir de plus en plus de techniciens et de moins en moins d'effectifs. Le service militaire doit donc être sélectif. Les adversaires de cette thèse estiment que le service militaire universel doit être maintenu pour ne pas séparer l'armée de la nation et que le principe de l'égalité devant le service doit être maintenu. Armée de métier contre armée du peuple, le débat ressurgit. La loi Messmer de 1965 préserve le critère d'universalité, mais le service ne sera plus militaire, non, il sera national. D'une durée de 16 mois, il peut s'effectuer selon 4 formules. Un service militaire, un service de défense, la coopération dans un pays étranger et la technique dans les départements et territoires d'outre-mer. De nombreuses dispenses et exemptions sont accordées car l'armée, répétons-le, ne peut pas accueillir tous les baby-boomers. Mais pour de nombreux appelés, les 16 mois de caserne riment avec ennui. Il y a eu Johnny, affiche de pub pour l'armée, puis il y a eu Coluche, et là, changement de décor. J'ai fait mon service militaire. C'est un truc, à un moment, ils t'appellent pour faire la guerre, et il n'y a pas la guerre, tu vois. En fait, au départ, ils se foutent de ta gueule, mais tu fais comme si c'était pas vrai, tu vois. De nombreux conscrits, c'est le même constat, on les prépare à une guerre qui n'aura pas lieu. Mais aucun mouvement contestataire ne vient remettre en cause ce rite de passage. Même en mai 68, rien ne bouge. Les soldats appelés seront même mobilisés pour nettoyer les dégâts des affrontements du quartier latin. Il faut attendre l'élection présidentielle de 1974 pour que l'institution soit attaquée frontalement. Nous sommes en effet au début des années 70 et le kaki n'a pas la cote. Les jeunes préfèrent les pantalons pas de def à l'uniforme militaire. Les hippies préfèrent l'amour à la guerre. Et dans le Larzac, la lutte s'organise dès 1971 pour combattre l'extension d'un camp militaire, justement. En 1973, près de 100 000 personnes se réunissent pour soutenir les paysans menacés d'expropriation. Pour échapper au service, des jeunes Français pacifistes et antimilitaristes deviennent objecteurs de conscience pour servir dans des associations. D'autres simulent la folie pour se faire réformer ou simulent autre chose. Parfois ça marche. En 1974, la campagne pour l'élection présidentielle débute et Alain Krivine, candidat d'extrême-gauche, profite de cette exposition médiatique pour mettre la question du service militaire sur le devant de la scène. Chaque candidat promet monts et merveilles. Mais pour vous, qui passez un an de pure perte de votre existence dans ces casernes. Un an d'abrutissement et de brimade, il n'y a pas un mot. C'est que la plupart d'entre vous ne votent pas. Vous êtes bien assez grand pour trimer en usine ou vous faire trouer la peau. Mais pas assez pour élire un président de la République. Soldats, refusez d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Pour illustrer les conditions de vie des jeunes conscrits, Alain Krivine fait témoigner un jeune appelé. Pour la majorité des copains qui sont dans l'armée de terre, et surtout ceux qui sont dans le régiment de manœuvre, dans les camps d'entraînement de commando, bon, le régime non plus change pas, mais là, il est beaucoup plus dur. Souvent, bon, ils font des exercices, assez souvent des exercices dangereux. Pour leur donner du cœur au ventre, c'est les brimades, c'est les insultes racistes, etc. Et le truc qui marche le plus, c'est le chantage à la permission. Bon, les types sont en caserne assez loin de chez eux, c'est assez efficace, et les sous-officiers se privent pas de l'employer. Le chantage, les brimades, le racisme, c'est bien ce qui est dénoncé dans l'appel des 100 publié le 16 mai 1974 entre les deux tours de la présidentielle dans les quotidiens rouges et Libération. Dans ce texte, une centaine d'appelés réclament, je les cite, le retour de la possibilité de choisir la date d'incorporation, la liberté d'information et d'expression politique dans les casernes et la suppression des sanctions. 11 jours plus tard, Valéry Giscard d'Estaing bat François Mitterrand et accède à la présidence. Et c'est la douche froide pour les signataires de l'appel. Mais leurs idées s'infiltrent peu à peu dans les casernes. Et 4 mois plus tard, chose exceptionnelle, des appelés vont manifester. Oui, le 10 septembre 1974, à Draguignan, 200 militaires du 19e régiment d'artillerie sortent de la caserne en uniforme et défilent dans les rues. Leur slogan, la solde à 1000 francs. Quartier libre en civil, pas d'obus, des sous et non au racisme. Début 75, le procès des trois appelés accusés d'avoir mené la manifestation de Draguignan s'ouvre à Marseille. L'affaire devient politique, et ce procès devient celui de l'armée. Le Parti communiste et le Parti socialiste soutiennent les appelés, attitude évidemment inacceptable pour le ministre de la Défense de l'époque. Enfin, si est-ce que le Parti socialiste et le Parti communiste français sont d'accord pour qu'il existe une armée nationale ? Oui, ils savent très bien qu'il ne peut pas exister une armée nationale sans discipline. Bon. Et ils vont faire du spectacle dans un procès, n'est-ce pas, où l'on reproche à des soldats d'avoir commis des fautes contre la discipline. Ça, c'est tout à fait anormal. Que M. Hernu soit content ou pas content de ma déclaration, je dis que c'est tout à fait anormal. Le tribunal militaire va jouer l'apaisement, finalement. L'un des soldats est acquitté, les deux autres condamnés à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis. Et la lutte continue. D'autres manifestations d'appelés ont lieu à Karlsruhe en janvier et à Verdun en février. Après l'élection de François Mitterrand en 1981, les tribunaux militaires disparaissent. En 1992, la durée du service est ramenée à 10 mois. Entre-temps, le mur de Berlin est tombé, la guerre froide est terminée. La France s'est engagée dans la première guerre du Golfe avec des militaires professionnels. Mais il faudra attendre encore 10 ans pour voir la fin de la conscription. C'est donc Jacques Chirac qui la décrète et une majorité de gauche qui la vote le 22 septembre 1997. Des débats idéologiques ont lieu, mais un point fait l'unanimité. Le service coûte cher, trop cher. La même année, les emplois jeunes sont créés. Il faut dire qu'une nouvelle guerre fait rage depuis plusieurs années en France et touche la jeunesse avec beaucoup d'appelés, le chômage. À droite ! Droite ! En avant ! Marche ! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Début 2000, l'armée convoque les derniers appelés de l'histoire de France. Certains manifestent à l'appel du collectif Sans nous pour demander la suspension immédiate du service national et ne pas être ainsi les derniers des cons, je les cite. Tous les jeunes nés avant 1979 doivent en principe effectuer leur service. En pratique, une grande partie des jeunes Français y échappent. C'est le cas d'Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977. En 2017, il devient donc le premier président de la République à ne pas avoir effectué son service militaire. Pourtant, lors de la campagne présidentielle, il s'était prononcé en faveur d'un service national, obligatoire et universel. Depuis sa suppression effective, en novembre 2001, le service militaire et son souvenir continuent de s'inviter dans le débat politique français. Et plusieurs présidents l'ont fait renaître sous forme d'ersatz. Service civil volontaire en 2006 après la crise des banlieues sous Chirac. Service civique, nouvelle formule en 2010 sous Sarkozy. Service militaire volontaire en 2015 après les attentats terroristes sous Hollande. Bref, chaque président tente sa formule pour invoquer ce qui n'est peut-être plus finalement qu'une vieille chimère républicaine. Hey, vacation. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le service militaire, notre invité Bénédicte Chéron, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir écouté mes confidences. Parce que le service militaire, c'est tous les hommes qui ont fait le service militaire. Il faut surtout pas leur demander de raconter des histoires de service militaire. Vous en prenez pour une heure. Bien, merci de m'avoir écouté. Un peu moins qu'une heure. Vous êtes historienne spécialiste des questions de défense. Alors, on a dit en introduction que trois des principaux candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, là pour cette dernière présidentielle, étaient pour le rétablissement d'une certaine forme de conscription. Comment expliquer qu'on en revienne toujours à ce service militaire, parce qu'il y a des grandes lois qui sont abrogées, bon, voilà, c'est terminé, une page est tournée. Mais là, on y revient tout le temps. Alors d'abord parce que le service national, qui n'était plus le service militaire en 97, n'a été que suspendu. Donc il reste toujours cette hypothèse d'un rétablissement, puisqu'il n'y a qu'une suspension. Après tout, il suffit de le remettre en œuvre et c'est possible. Donc il n'a pas été supprimé. Ensuite, parce que en fait, cette suspension, elle coïncide à partir du début des années 2000 et singulièrement à partir de 2005, il y a les émeutes urbaines qui naissent à Clichy-sous-Bois, qui sont très violente, et il y a une préoccupation sur la cohésion nationale qui envahit le champ politique, et il se trouve qu'on est dans le même moment, donc de suspension de service national et de préoccupation sur cette cohésion nationale qui serait en souffrance, et donc il y a cette impression, alors réelle, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est une impression réelle ou supposée, voilà, est-ce que c'est seulement une impression qu'il y a un chaînon manquant dans le parcours des jeunes Français qui ferait que la cohésion nationale est en souffrance, et parce que vous l'avez très bien raconté, le service militaire, la conscription occupe une place très forte dans toute la mythologie républicaine, alors qu'on voit qu'au XIXe siècle, ce service, il a été très fluctuant, il a eu des formes assez diverses, c'était pas du tout un service universel, obligatoire, mais il occupe une place très forte dans notre mythologie nationale, dans la mythologie républicaine, eh bien, il y a un tropisme politique qui consiste systématiquement à penser que si, après tout, on rétablissait ce service militaire tel qu'il a existé, eh bien, on réglerait bien des problèmes. Alors, c'est en partie une illusion, probablement, mais ça mérite examen. Alors, en tout cas, ce qui mérite examen, c'est que le service militaire, bien qu'il y ait eu beaucoup de passe-droits, de pistons, c'est bien. Mais globalement, ça a été quand même un lien social, une mixité sociale. Ça, c'est pas un mythe. Non, c'est d'ailleurs, pas quand, un mythe. Quand on l'a vécu, on peut le dire que c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, mais il est vrai qu'à partir de la fin de la guerre d'Algérie, à partir du moment où les formes de service se diversifient, à partir de 65, puis de 71, le code du service national, il y a le service, on peut faire de la coopération technique, etc. On voit que jusque dans les années 90, peu à peu, il va y avoir un délitement de l'universalité et de la mixité sociale. Parce qu'on va choisir des voies différentes, et parce que ce choix, bah, comme beaucoup de choix dans la vie, est marqué par des héritages socioculturels, par un milieu social. Et donc, on se rend compte, dans les années 90, au moment où on envisage de suspendre le service national, que finalement, les moins favorisés sont globalement envoyés dans l'armée de terre pour être, comme vous l'avez dit, des bidasses, et puis que les plus favorisés font autre chose. Chauffeur du colonel. Voilà, et puis font un service civil, et puis se retrouvent dans les ministères. Et puis, ceux qui arrivent à être exemptés, finalement, sont majoritairement ceux qui ont un réseau, alors qu'ils ne sont pas forcément les plus favorisés financièrement, mais qui ont le réseau qui permet de passer complètement à côté. On a des témoignages de gens dans l'administration qui, dans les années 90, avaient comme travail au ministère de la Défense d'orienter ceux qui ne voulaient pas faire leur service, voire de susciter des vocations d'exemptés, parce que finalement, vous l'avez dit, ça coûtait cher et qu'on n'avait que faire de tous ces candidats au service militaire. À tel point qu'en 1997, il n'y a plus qu'un garçon sur deux qui effectue son service. Hein. Son service militaire, c'est-à-dire qu'on a plus qui font un service national avec diverses formes, mais le service militaire, effectivement, c'est grosso modo un garçon sur deux en moyenne chaque année. Donc c'est un quart d'une classe d'âge si on englobe les filles. Finalement, c'est assez peu. Alors, il a posé un vrai problème, le service militaire. Vous savez, quand on est lycéen, parfois, on se met en grève et on va manifester. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est fun, quoi. C'est l'apprentissage, finalement, hein, une certaine forme de contestation, de citoyenneté. Là, on savait, je me souviens de la loi Debray, je crois, c'était la loi sur les reports. Et à un moment, il s'est agi, je crois, de la part de Monsieur Debray, ministre des Armées, de changer les reports, que ce soit moins facile. C'était un vrai problème, quand même, pour les étudiants. Alors, bien, ça et donc, on avait, je parle de l'histoire de lycée, parce qu'on était allés, évidemment, les lycéens étaient allés manifester contre... Mais là, ils savaient pourquoi ils manifestaient. Mais il y a là encore, évidemment, une question de contexte et d'époque, c'est-à-dire que vous l'avez aussi raconté, au début du XXe siècle, pour un certain nombre de jeunes garçons, l'appel, c'était aussi la découverte d'une autre région de France, on prenait le train, on voyageait, on découvrait d'autres milieux sociaux. Évidemment, dans les années 70, la mobilité n'est plus la même, les habitudes de voyage ne sont plus les mêmes, la fréquentation des autres milieux sociaux n'est plus la même. Donc ce contexte évolue, et puis on est aussi évidemment dans les années 70, dans un moment où l'antimilitarisme militant est structurant dans les luttes politiques, et politiquement clivant, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas au début du XXe siècle. Donc c'est sûr que c'est un moment qui est extrêmement particulier, et tous les sujets militaires liés à la conscription, liés au service, finalement occupent le champ politique. Alors il y avait quand même des façons d'échapper au service militaire, soit par la ruse, pendant ce qu'on appelait les 3 jours d'examen, ça pouvait marcher, ça dépendait de la démographie d'ailleurs, et des classes d'âge, et puis il y avait des façons officielles et tout à fait légales d'échapper au service militaire, je pense aux objecteurs de conscience, je pense à la coopération, c'est une formule qui a bien fonctionné ça. Alors, c'était pas forcément un moyen d'échapper au service militaire, c'était en tout cas pas présenté comme ça, c'était présenté comme d'autres formes de service à la collectivité et à la société. Oui, ce sont des voies qui existaient et qui ont fonctionné, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur service dans la coopération et qui en gardent un souvenir riche même pour leur carrière par la suite, parce que c'était aussi des expériences internationales pour certaines, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le début du moment où on se dit qu'on peut servir la nation, servir la société, pour ceux qui ne voulaient pas servir la nation, qui n'étaient pas forcément attachés à cette forme politique-là, par d'autres voies que la voie des armes. Mais donc, c'est le moment aussi où ce qu'on appelle le service militaire commence à se dénaturer, parce que on oublie, on finit par penser que le service militaire, strictement militaire, a d'abord une vocation d'intégration sociale. Et c'est d'ailleurs ce qui s'inscrit dans notre mémoire nationale à ce moment-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes politiques pensent d'abord le service militaire, non pas pour avoir des hommes en armes capables de servir la nation, ce qui était la vocation du service militaire, mais pense d'abord service comme un lieu d'intégration sociale, de cohésion, d'éducation à la citoyenneté, ce qui est un peu ce qui porte les projets actuels de rétablissement d'un service national. Et on va en parler après. Les objecteurs de conscience, il ne faut pas croire qu'on pouvait dire, voilà, moi je ne veux pas pour des raisons idéologiques, je ne veux pas faire service militaire, donc merci, je ne le fais pas, ça ne se passait pas comme ça, c'était difficile l'objecteur de conscience. Il fallait justifier de l'objection de conscience, il fallait l'expliquer, il fallait la motiver, et ne pouvait pas simplement se présenter en disant, voilà, je suis objecteur de conscience. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une forme d'engagement autre qui devait être motivée de manière argumentée et construite, effectivement, et c'est une forme de service, enfin une opposition au service, au fait de porter les armes, qui se manifeste évidemment après la guerre d'Algérie et qui devient autorisée en 1963, parce que vous l'avez dit, pour une partie des appelés, il y a eu ce traumatisme de la guerre d'Algérie. Alors, qui a pesé très lourd. Voilà, on peut parler d'une fracture entre l'armée et la société civile à partir de la guerre d'Algérie. Alors, il y a une fracture qui se construit dans notre imaginaire collectif, parce que dans la réalité, si vous prenez un échantillon d'appelés représentatifs de la guerre d'Algérie, pour certains ça a été un traumatisme, pour d'autres ça a été une expérience comme une autre, pour d'autres ça a été un rite initiatique positif. Donc il y a évidemment une grande variété d'expériences de la guerre d'Algérie pour les appelés. Mais c'est vrai que c'est le moment où en fait on commence dans notre, même ça se voit au cinéma, dans nos films sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, le sort du soldat en armes n'est pas différent, ne raconte pas différemment le sort de l'appelé, du conscrit ou du soldat professionnel. Alors qu'à partir de la guerre d'Algérie, on a des œuvres littéraires, on a des œuvres cinématographiques qui créent une distinction très forte entre les militaires engagés, et parfois un peu caricaturale hein, cette distinction, entre les militaires engagés et les appelés. Et donc à ce moment-là, effectivement, il y a une distorsion et une dissension au sein même de l'institution militaire. Alors, on va écouter une archive ensemble, tirée du journal de France 2 en 2009, qui parle du service civique. Alors, on arrive à l'époque moderne et au projet. Hein. Donc, service civique, je dis bien civique, parce qu'il y a eu civil, et puis volontaire, on y reviendra. Donc, service civique, où des jeunes sont en service, mais alors plus dans l'armée. En 2005, les banlieues s'embrasent et ravivent la question d'un service civil pour une jeunesse en difficulté. Ce sera chose faite en 2006. 2500 postes chaque année sont proposés à des jeunes. Objectif, aider les autres, vivre en groupe, se sentir utile à la collectivité. C'est vrai qu'il y avait l'idée qu'il fallait une mesure symbolique forte qui symbolise l'esprit de citoyenneté en France et qui avait en plus un désir d'engagement réel des jeunes. Le service civique d'aujourd'hui se veut plus ambitieux, avec plus de moyens. Objectif, attirer 10 000 jeunes volontaires en 2010, de 16 à 25 ans. pour un budget de 40 millions d'euros. Alors soyons précis, Jacques Chirac a créé le service civil après la crise des banlieues en 2005 et en 2006, puis Nicolas Sarkozy l'a transformé en service civique en 2009. Chaque président change la formule et le mot, ça veut dire quoi, civil, civique, service? Il y a quoi comme philosophie là-dedans? Alors la philosophie, c'était de dire il faudrait que les jeunes Français puissent donner de leur temps au service de la société, au service de la nation, à un moment ou à un autre. Et effectivement, on est après les émeutes urbaines, donc à partir du moment où il y a une préoccupation explicite dans le champ politique sur la cohésion nationale. Ce service civique, tel qu'il existe actuellement, en fait, depuis sa création en 2009-2010, plus aucun responsable politique ne le remet en cause, parce que finalement, il est assez consensuel dans son exercice, mais il repose sur le volontariat. Ce qui est très intéressant, c'est de constater quand on augmente les budgets du service civique, parce que ça nécessite des budgets, l'accompagnement de jeunes dans des associations, des services publics qui font du bénévolat indemnisé d'ailleurs, c'est pas un bénévolat absolu. Quand on augmente ces budgets, eh bien, il y a plus de volontaires pour le service civique. Ça veut dire qu'il y a une appétence de la jeunesse à trouver des lieux d'engagement. On remarque aussi que c'est un service qui touche de manière assez uniforme l'ensemble de la société, les moins diplômés, les plus diplômés. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Toute la question, c'est de savoir comment dans le débat actuel, on arrive à articuler une volonté présidentielle qui est celle de rendre un service obligatoire. On sent bien que la mémoire collective un peu brouillée sur le service militaire a sans doute un peu influencé ses annonces pendant sa campagne électorale. Et puis, ces services existants qui reposent sur le volontariat et qui ne fonctionnent pas si mal que ça. Alors, autre formule de service, et là on va écouter un reportage de France 3, c'est le service militaire, je dis bien militaire, volontaire, instauré par François Hollande après les attentats de 2015. Angelo, Thomas. Ils sont jeunes, ils viennent d'un peu partout, ils sont les nouvelles recrues du service militaire volontaire. Ce matin, ils étaient une trentaine, garçons et filles, à signer leur engagement pour 6 mois. C'était au quartier Colin, à Montigny-lès-Metz. Il va donc avoir 3 phases de formation. Une première phase de formation militaire initiale avec les rudiments et les valeurs militaires. Ensuite, une formation complémentaire où on va lui donner la possibilité de passer le permis B, d'avoir une remise à niveau scolaire avec l'aide de 2 professeurs de l'éducation nationale. Et une troisième formation, une formation professionnelle où là, il va apprendre les prémices d'un métier. Si le but reste la formation à un métier et l'accès à un emploi, la rigueur militaire, elle, ne déplaît pas. Aujourd'hui, comme j'ai eu un décrochage scolaire, mais il a fallu faire un choix, donc j'ai décidé de venir ici. Pour trouver du travail en sortant, mais me réinsérer. 500 jeunes en 2 ans ont bénéficié du service militaire volontaire à la base de Montigny. 73% d'entre eux ont pu s'insérer dans la société et trouver un emploi. C'est quoi? C'est l'armée comme valeur refuge? Alors, c'est un peu l'armée comme valeur refuge. Surtout, c'est un malentendu énorme sur les mots parce qu'on a appelé ça service militaire volontaire. Or, dans la pratique, ces jeunes ne rendent pas service. La nation leur rend service en les accueillant dans un cadre militaire. Et ça n'est militaire que parce qu'il y a un encadrement militaire, parce qu'à aucun moment, ces jeunes Français qui sont volontaires n'apprennent à servir la nation par les armes. Donc en fait, il n'y a pas de finalité militaire au dispositif. Donc c'est un service national encadré par l'armée. En fait, finalement, c'est un dispositif socio-éducatif, de réinsertion socio-éducative, encadré par des militaires. Voilà. Mais le mot service militaire est assez trompeur. Et en fait, c'est calqué sur une vieille institution qui s'appelle le service militaire adapté, qui existe en Outre-mer depuis 1961, qui a peu à peu été répandu dans tous les départements d'Outre-mer, et qui en fait était un dispositif au fur et à mesure de la décolonisation, du maintien de certains territoires dans les Outre-mer français, qui permettait de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes d'Outre-mer, qui existe toujours, qui accueille, lui, 6000 jeunes par an, donc qui est assez massif. Et le SMV a été... C'est quoi le SMV ? Le service militaire volontaire, donc, a été calqué sur le SMA pour la France métropolitaine après les attentats de 2015 sur la volonté présidentielle, parce que effectivement, on est dans ce moment où les politiques ont l'impression que en fait les militaires sont l'ultime recours en matière socio-éducative. Ce qui est assez intéressant quand on part des années 60 ou 70 que vous avez évoquées, où il y avait un antimilitarisme très structurant de la vie politique, on est maintenant dans un état de fait où effectivement l'institution militaire apparaît comme un roc de stabilité en fait dans un océan d'instabilité sociale ou de dislocation nationale. Ça pose un tas de questions et là encore, ça pose la question de savoir quel est le rôle des armées au service de la nation. Est-ce que leur rôle est un rôle socio-éducatif ou est-ce que leur rôle est de faire la guerre pour défendre défendre les intérêts nationaux et pour défendre la nation et le territoire national. Ce qui s'en mettrait un peu les deux, puisque d'un point de vue technique, on a une armée high-tech hein, en France. Oui. C'est clair, avec des professionnels bien formés. On a une armée de professionnels dont les compétences sont très reconnues, oui, effectivement. C'est pour ça que je dis ça, voilà. Ouais. Donc on a les deux, finalement. Et finalement, on a les deux, mais ça pose un problème parce que finalement, ça brouille vis-à-vis des Français, aux yeux des Français, la question du rôle des armées. Et oui, ça brouille le message, bien sûr. Ça brouille le message, et pour les militaires eux-mêmes, c'est un problème parce que les militaires s'engagent rarement dans les armées pour être des éducateurs. Ben oui. Il se trouve que par leur métier, ils sont amenés à être éducateurs, de jeunes engagés volontaires, mais qu'ils ne sont pas des éducateurs. Et par leur métier, ils ont appris aussi à ne pas trop protester. Hein. De toute façon, ils n'ont pas tellement le choix. Donc, Alors, il y a un dialogue hein, entre les politiques et les militaires, sur ces sujets-là y compris, sur le projet de service national également. Mais il est vrai qu'on est dans des rapports qui sont toujours un peu déséquilibrés, parce que de fait, le militaire obéit aux politiques c'est sa fonction. Bon, alors on a parlé de mixité sociale, on aurait pu parler, parce que c'est un autre thème intéressant, de mixité tout court, c'est-à-dire garçons et filles. Alors là aussi, il y a eu un vrai changement, le service militaire c'était vraiment l'endroit des hommes, quoi. Alors ouvert aux femmes à partir des années 1970 pour celles qui le souhaitaient, oui, le service national, toutes les voies du service national, mais ça restait effectivement extrêmement minoritaire, et comme on était dans un moment où déjà beaucoup de garçons cherchaient à y échapper, il y a peu de filles finalement qui étaient volontaires pour y aller à leur place, ça restait minoritaire, mais là encore, ce serait une question très réelle, s'il y avait un dispositif qui se remettait en place actuellement, quelle que soit sa forme, s'il y a des formules, comme c'est ce qui se dit actuellement, d'accueil en internat pendant un mois obligatoire ou même pendant deux semaines obligatoire, se poserait la question de cette mixité. Évidemment, aujourd'hui, ce serait filles et garçons, parce qu'on n'envisagerait pas un dispositif seulement destiné aux garçons, et on se demanderait pourquoi si c'est pas en plus... Enfin, voilà, il n'y a pas de raison. Donc ce serait filles et garçons, et voilà, il y a fort à parier qu'il va y avoir nombre de débats sur l'organisation de cette mixité. On ne peut pas nous refaire le coup des dortoirs pour les filles et les garçons. Eh bien, voilà, on commémore mai 68, ça reste un sujet intéressant. C'est Nanterre. C'est pour ça que je vous en parlais. Alors, qu'est-ce qu'on sait si on parlait correctement, que sait-on exactement du projet Macron ? On ne sait pas grand-chose, parce que les annonces du candidat Emmanuel Macron, il y a plus d'un an maintenant, étaient vraiment... Il a prononcé dans le même discours les mots « service national » et « service militaire ». En même temps, il a dit. En même temps. Il ne l'a pas dit en même temps, mais il a prononcé les deux expressions. Donc, il y a vraiment cette question qui s'est posée et qui se pose depuis un an, de savoir... ce que veut le président de la République. Est-ce que c'est un service national de type civil ou civique ? Est-ce qu'il y a une dimension militaire clairement affirmée ? Mais ça semble assez peu probable, puisque finalement, à aucun moment, il n'est question de maniement des armes, d'apprentissage du métier des armes. Donc, ce n'est pas un service militaire au sens propre du terme. Il sera national. Et si on envisageait de faire encadrer un dispositif de type civil par des militaires, on serait une espèce d'exception européenne, parce qu'en Europe, il y a des pays où il existe des services civils ou civiques, mais qui donc sont bien civils ou civiques, les militaires n'interviennent pas du tout dans ces dispositifs. Il existe dans certains autres pays européens encore des formes de conscription ou de service militaire, mais à ce moment-là, on est vraiment dans un service militaire, ça veut dire que c'est fait pour que le pays dispose d'une réserve de jeunes garçons et filles capables de porter les armes en cas de nécessité. Mais on est donc, nous, une espèce d'exception ou pour tout un tas de raisons historiques, mémorielles, eh bien, on n'arrive pas bien à dissocier les deux sujets. Et ce serait pour combien de temps, on sait ça, non ? Alors, il se murmure que ce serait un mois obligatoire. Un mois, avec d'accord. La possibilité de rendre service après, ça reste très flou. D'accord. Est-ce que ce serait volontaire, volontariat ou obligatoire ? On rappelle ça ? Le président de la République, pour l'instant, a l'air de tenir à la dimension obligatoire du projet. Bien, écoute, on a fait le tour de la question, si tant est qu'on puisse faire le tour d'une question. En tout cas, merci beaucoup Bénédicte Chéron pour vos éclairages et vos précisions. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le service militaire, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et merci à Théo Lacombrade qui était à la technique aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine, puisque nous sommes jeudi. Rédaction et recherche documentaire, Guillaume Malandras, Adrien Mora, Simon Maisonob et Jean Bulot. Lecture, Philippe Pirard. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Perret. Réalisation David Jacubo-Viez et Jérôme Boulet. Il n'est pas tout à fait 16h, ça me donne le temps de vous parler de l'émission de demain, La Fiction, où nous aborderons le problème des prêtres, voilà, en France.